de la chaleur. Avec le temps, j'ai su prendre le total contrôle de mes nerfs et faire de ma voix une arme plus puissante qu'un revolver. Puis le temps a recousu mes plaies qui étaient à l'air libre. Puis le vent me frappe, alors j'ai envie de vivre. Avec le temps, j'ai fait des choix qui ont changé ma story. La musique m'a percé, mes pleurs, elle les a assagis. J'ai réagi car me retenir ne pouvait pas guérir cette hémorragie. Mes yeux, c'est mon encre qui se libère de tous ses ennuis. Avec le temps, l'importance de l'amitié compte beaucoup. Car dans ma tête, tu pareil que sans beaucoup. Avec le temps, je sais que devenir percé est infiltré dans ma tête. Faire un enfant dont il verra la vie comme une simple compète. Avec le temps, j'essaie de me faire une raison face à la mort. De lui montrer les capacités qui règnent dans mon corps. Car si elle m'emporte, ce sera tant de bonnes conditions. Car je veux qu'on se rappelle de moi et de ma construction. Avec le temps, on prend tous du recul. Je fais le bilan de mes journées lors du crépuscule. Le temps fait que les erreurs deviennent bénéfiques. Que l'homme se construit de blessures physiques. Avec le temps, on prend tous du recul. Je fais le bilan de mes journées lors du crépuscule. Le temps fait que les erreurs deviennent bénéfiques. Que l'homme se construit de blessures physiques. Avec le temps, je vois de plus en plus mal mon futur. J'ai l'impression que la cogite me laisse que de la moisissure. Avec le temps, on va se trouver une bonne raison de vivre. Car si c'est pas le cas, on va s'en trouver une, mais pour mourir. Avec le temps, on se contente plus de la routine. Même si elle m'a menotté et qu'elle m'embobine. Même avec le temps, on pleurniche autant qu'à la naissance. Si on se permet de réclamer à la vie aucune dépendance. Avec le temps, on a l'œil du tigre en évolution. L'instinct plus sensible face au danger, on y ressent plus de sensations. Avec le temps, mes erreurs, je les identifie plus facilement. C'est honteux, c'est la résolution ne m'aurait pas présenté ses parents. Avec le temps, c'est qui nous a battus, nous a fait renaître, nous a fait prendre le temps d'analyser chaque lettre. Mais le temps a un défaut, c'est qu'il n'est pas éternel. Il sauve pas des vies, mais t'aides à gagner certains duels. Avec le temps, on prend tous du recul. Je fais le bilan de mes journées lors du crépuscule. Le temps fait que les erreurs deviennent bénéfiques. Que l'homme se construit de blessures physiques. Avec le temps, tous du recul. Je fais le bilan de mes journées lors du crépuscule. Le temps fait que les erreurs deviennent bénéfiques. Que l'homme se construit des blessures physiques. Avec le temps, on prend tous du recul. Je fais le bilan de mes journées lors du crépuscule. Le temps fait que les erreurs deviennent bénéfiques. Que l'homme se construit des blessures physiques. Avec le temps, on prend tous du recul. Je fais